Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'attaque de Pearl Harbor. This is John Daly speaking from the CBS newsroom in New York. Here is the Far East situation as reported to this moment. The Japanese have attacked the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii, and our defense facilities at Manila, capital of the Philippines. Le 7 décembre 1941, l'armée japonaise mène une attaque surprise contre la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Cette attaque marque un point tournant dans le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. Dès le lendemain de l'attaque, les États-Unis vont déclarer la guerre au Japon et dans les jours suivants, les Américains se joindront aux forces alliées contre les forces de l'Axe constituées du Japon, de l'Allemagne nazie d'Hitler et de l'Italie fasciste de Mussolini. Yesterday, December 7, 1941. Hier, le 7 décembre 1941, une date désormais frappée par l'infamie, les États-Unis d'Amérique ont été attaqués par les forces navales et aériennes du Japon. By naval and air forces of the Empire of Japan, I ask. Je demande au Congrès, à la suite de cette attaque lâche et sournoise du 7 décembre 1941, de déclarer l'état de guerre entre les États-Unis et le Japon. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Le président américain Franklin D. Roosevelt, le 8 décembre 1941, au lendemain de l'attaque surprise du Japon contre la base américaine de Pearl Harbor, l'attaque de Pearl Harbor va changer totalement la dynamique en place durant la Deuxième Guerre mondiale et les effets de ce changement vont se poursuivre longtemps encore après la fin du conflit. Mon invité pour nous parler de l'importance de cette attaque de Pearl Harbor est le professeur d'histoire au Collège Dawson de Montréal, Pierre Lheureux. Pierre Lheureux, bonjour. Bonjour. Pearl Harbor, c'est vraiment un point de tournant important dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi une charnière importante sur le plan de la géopolitique au 20e siècle. Dites-nous, en quelques mots, en quoi cette attaque de Pearl Harbor est si importante? L'attaque survient en plein milieu du 20e siècle et elle marque la mise au monde d'une superpuissance, la première, selon moi, dans l'histoire de l'humanité, les États-Unis d'Amérique. Et dès ce moment-là, l'Amérique va jouer un rôle majeur dans la géopolitique mondiale. Donc, c'est une reconfiguration de la géopolitique qui survient à la suite de Pearl Harbor. C'est là que les États-Unis s'imposent comme l'espèce de gendarme du monde libre, dira-t-on. Du monde libre, après. De la démocratie libérale, ouais. Du capitalisme. C'est aussi un événement qui vient attirer l'attention sur une scène du monde qui avait été négligée, l'Asie. Le Japon, on réalise, est une grande puissance et une puissance économique en devenir. Et également la Chine qui va devenir un joueur majeur de la géopolitique mondiale à partir de 1949, ouais. Avec la Révolution chinoise. Donc le projecteur, avec Pearl Harbor, au fond, se déplace aussi. On commence à éclairer cette zone qui sera la zone de l'avenir. L'Asie, c'est intéressant. Exactement. C'est Pearl Harbor, il faut aussi le rappeler, c'est cette attaque-là, le point culminant de cette politique d'expansionnisme impérialiste des Japonais. C'est quoi cette affaire-là? En quoi consiste cette politique? Dans quel contexte elle naît? L'expansionnisme japonais apparaît à la fin du 19e siècle. Alors, c'est un contexte mondial où sont apparus de nombreux impérialismes, essentiellement européens, mais également américains. Les États-Unis également ont procédé à l'expansion de ce qu'ils appellent leur sphère d'influence dans les Caraïbes, en Amérique latine et dans le Pacifique. Et le Japon ne veut pas être en reste. Le Japon, depuis les années 1870, a brisé son isolation du monde, qui avait duré presque 2 siècles, commence son industrialisation rapidement, modernise sa nation, s'ouvre à l'Occident et revendique le statut d'empire. L'empire va se déployer en Asie. Il ne faut pas oublier que le Japon est une île, c'est une nation insulaire où on retrouve très peu de ressources naturelles. L'industrialisation exige un accès facile à une main-d'œuvre abondante et également des ressources naturelles abondantes. Donc, le Japon va tout de suite cibler l'Asie comme sa sphère d'expansion. Mm-hmm. Ça débute avec la Corée, qui va être annexée ou qui va être à la sphère d'influence japonaise à la suite d'une guerre livrée aux Russes. C'est une défaite humiliante pour les Russes et pour les Occidentaux. Première défaite occidentale aux mains d'une nation asiatique. Et puis, tranquillement, cet expansionnisme-là va descendre vers le sud, la Mandchourie, la Chine, et éventuellement va cibler les terres plus au sud, mm-hmm. très riches, entre autres en pétrole, de l'Indonésie et du sud-est asiatique. Et assez rapidement, les Japonais, dans cette politique expansionniste, vont trouver les Américains sur leur chemin. Pourquoi? Les Américains sont présents en Asie depuis le 19e siècle. En fait, dès les années 1860, 1870, l'Amérique étend sa sphère d'influence vers l'Est en prenant possession d'îles qui sont l'île Midway, par exemple, l'île Wake et éventuellement l'île d'Hawaï, qui sont considérées comme des tremplins essentiels pour avoir accès au marché asiatique. C'est également des stations de pour les navires, où est-ce qu'on peut les ravitailler en charbon et éventuellement en essence, pour le long voyage qui mène des États-Unis à l'Asie. Les Américains, depuis la fin du 19e siècle, mènent également une politique de porte ouverte, la doctrine de la porte ouverte en Chine. Ça, c'est rien de nouveau. Les Occidentaux, depuis les Britanniques, avec la guerre de l'opium, veulent garder accès à la Chine, un marché immense. Ouais. Et quand le Japon, 1937, là, c'est le début de la guerre entre le Japon et la Chine, ça va déjà ébranler pas mal Washington. 1940, le Japon décide de se joindre à l'Allemagne et à l'Italie dans les forces de l'Axe, là encore un grand coup, ce qui fait qu'on va... Il y a un Roosevelt, à ce moment-là, qui ne veut absolument pas faire la guerre. Il y a des négociations qui vont s'engager entre le Japon et les États-Unis. Sur quoi portent ces négociations? Les Américains refusent de reconnaître la sphère d'expansion japonaise en Asie. Et les Japonais tiennent mordicus à cette reconnaissance-là. Les Japonais ont reconnu la présence américaine aux Philippines. Faut pas oublier qu'en 1898, les Américains ont livré une guerre à l'Espagne et ils ont réussi à gagner Cuba et également les Philippines. Ils sont présents aux Philippines. Et les Japonais, en bon joueur, ont reconnu cette sphère d'influence-là. Donc, les Japonais attendent l'appareil des Américains, ce qu'on leur refuse, parce que les Américains craignent cet expansionnisme-là en Asie, qui se fait au détriment de la présence américaine et occidentale en Asie. Ouais. Ce qui fait que les négociations sont rompues en novembre 1941, début décembre, l'attaque. On y vient, cette attaque de Pearl Harbor, attaque surprise par les Japonais. Pourquoi? Quel objectif a le Japon en s'attaquant à cette base américaine à Pearl Harbor? Les États-Unis ont imposé un embargo depuis 1939 sur le pétrole, sur le métal. Roosevelt, en juillet 1941, a imposé au Japon. Au Japon. En 1941, Roosevelt a également gelé les actifs japonais aux États-Unis. Et il faut comprendre que le principal importateur de pétrole au Japon, ce sont les Américains. Le pétrole est essentiel pour continuer l'expansionnisme japonais en Asie. Donc, les Japonais ont espoir qu'en attaquant les Américains, ils vont pouvoir lever l'hypothèque américaine en Asie et avoir accès au pétrole qui se trouve dans le sud-est asiatique, entre autres en Indonésie. Ouais. Ils espèrent avoir un 6 mois, idéalement une année, de répit où les Américains vont être appelés à se reconstruire après l'attaque surprise sur Pearl Harbor et assez de temps pour pouvoir compléter la conquête complète du sud-est asiatique. Évidemment, ça ne se passera pas comme ça. On pourra y revenir. Comment se déroule concrètement cette attaque? On écoute le témoignage de Jesse Pound, un soldat américain présent à Pearl Harbor. Il décrit ce qu'il a vu à ce moment-là à Pearl Harbor dans un reportage diffusé à l'émission Dimanche Magazine en 1991. C'était comme si j'entrais dans un autre monde. Il y avait des avions à hélice qui faisaient autant de bruit qu'une millier de guêpes. Il y avait des explosions partout. On était entouré de flammes. Ça puait l'essence qui brûle. Je croyais voir l'enfer. Just C'était comme dans un film. Je regardais Red Rusman, le membre de l'équipage. Je lui ai demandé pourquoi il tremblait. Il m'a répondu que je tremblais comme lui, et pour les mêmes raisons. On s'est regardé et on tremblait comme des feuilles. On était furieux parce qu'on venait de se faire avoir par les Japonais et parce que nos supérieurs ne nous avaient pas donné les moyens de lutter contre une attaque aérienne. Cette attaque de Pearl Harbor par les Japonais, c'est une attaque surprise, Pierre Leroux. Comment ça se passe et quel bilan ça va faire au final, ça va laisser au final? Le témoignage qu'on vient d'entendre révèle très bien l'étendue de la surprise. Les Américains sont vraiment surpris par l'attaque. C'est 350 avions japonais qui sont lancés sur la base de Pearl Harbor en deux vagues. L'attaque est dévastatrice. Une grosse flotte aussi, navale. C'est six porte-avions japonais qui ont réussi à se glisser dans les routes au nord du Pacifique en silence. Et ils n'ont jamais été détectés par les radars américains. Et l'attaque est un succès sur toute la ligne, mis à part le fait que les Japonais n'ont pas détruit les infrastructures militaires sur l'île. Une erreur stratégique qui va avoir des conséquences importantes sur les Japonais plus tard. Des porte-avions aussi américains qui ne sont pas à port à Pearl Harbor, non, qui sont en mer. Les trois ont été. Il y a trois porte-avions dans la flotte du Pacifique. Les porte-avions sont en mission. Deux ont été dirigés vers l'île de Wake, où ils livrent des avions. Un est à San Diego. Donc, l'attaque japonaise vise essentiellement les cuirassés américains. Ouais. On va également détruire des destroyers, mais c'est à peu près 20 bateaux américains qui sont détruits en 90 minutes. Comment cette attaque-là va être perçue? D'abord au Japon, parce qu'on en parle moins souvent. Comment les Japonais vont recevoir l'annonce de cette attaque de Pearl Harbor? On écoute Robert Gillin. Il est journaliste à Tokyo au moment de l'attaque. Il nous raconte la réaction donc des Japonais à l'émission À la Une, le 9 octobre 1976. À midi, la radio et tous les moyens du bord annonçaient à grand fracas la magnifique victoire de la bataille de Hawaï. On ne parlait pas d'une agression, on ne disait absolument pas comment ça s'était passé, mais on disait grande victoire et on alignait déjà le nom des bateaux américains, tant de croiseurs détruits, tant de cuirassés détruits dans la baie de Pearl Harbor, nos aviateurs rentrent triomphants, etc., etc. Et ces mêmes petits peuples qui, le matin de la bataille, étaient consternés, épouvantés de ce qui leur arrivait, se sont dit, à midi, quelques heures après, eh bien, nous nous trompions, nous n'avions pas assez confiance dans nos leaders sont fantastiques, extraordinaires, nous sommes vainqueurs de l'Amérique, allez, jetons-nous dans cette guerre, nous allons tout emporter. Est-ce que les Japonais, Pierre Leroux, au moment de l'attaque, au tout début, est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils pourront gagner cette bataille, cette guerre, au fond, contre les États-Unis? La propagande japonaise arrive à convaincre le peuple japonais que la victoire est possible. Toutefois, dans l'état-major japonais, l'empereur lui-même savent très bien qu'ils viennent de réveiller un géant. C'est dans les mots de Yamamoto, cet amiral japonais, il savait très bien que il risquait d'avoir des conséquences à cette attaque surprise. Il faut rappeler que les Japonais n'avaient pas déclaré la guerre encore aux États-Unis. Et que ça se fait très vite. On est passé un peu rapidement, mais cette bataille-là, c'est deux vagues, comme vous le disiez. Deux vagues. C'est très rapide. 2400 morts, 1700 blessés, 90 minutes d'attaque par 350 avions japonais, dont les Zéros, les avions chasseurs, qui viennent surprendre complètement les Américains. Et qui viennent réveiller aussi ces États-Unis qui ne voulaient pas entrer dans cette Deuxième Guerre mondiale. La conséquence, la première conséquence, parlons de la réaction des Américains, en tout cas du gouvernement, on l'entendait au début de l'émission, la première conséquence, c'est la déclaration de guerre au Japon, puis ensuite aux forces de l'Axe. Le lendemain, l'Amérique déclare la guerre au Japon. Le 11 décembre, l'Italie et l'Allemagne déclarent la guerre aux États-Unis et l'Amérique déclare la guerre après aux forces de l'Axe. Ça marque l'entrée en guerre des États-Unis et c'est un choc complet aux États-Unis. Des forces isolationnistes qui avaient dominé l'opinion publique jusqu'en 1941, jusqu'en décembre 1941, vont complètement s'évaporer. L'ensemble du peuple est derrière le président et le Congrès. Parce que les Américains ne voulaient pas de guerre. Non. En fait, il faut faire la nuance. Roosevelt comprenait l'urgence de la situation, surtout en Europe. Ouais. Il n'avait pas l'intention d'entrer en guerre contre le Japon. D'où l'erreur des Japonais. Mais le peuple ne le suivait pas sur ce point-là. Et depuis la Première Guerre mondiale, les forces isolationnistes, elles sont dominantes. C'est un consensus aux États-Unis. Deux ans avant Pearl Harbor, c'est 90 % des Américains qui ne veulent pas entrer en guerre, malgré la menace nazie en Europe. Mais cette attaque surprise, cette attaque sournoise, fait que là, l'opinion publique bascule tout d'un coup, très massivement, derrière leur président. Allons en guerre, nous n'avons pas le choix. Si bien qu'il y a eu toutes sortes de... Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Oui. Toutes sortes de théories qui ont dit que Roosevelt savait, s'est dit, on va s'en prendre toute une avec cette attaque de Pearl Harbor, mais j'en ai besoin pour convaincre les Américains de me suivre en guerre. C'est vrai ça ou pas? Il est vrai que Roosevelt voulait entrer en guerre contre l'Allemagne nazie pour appuyer les Britanniques dans leur défense de leur nation. Toutefois, très rapidement, à partir des années 60, 70, avec l'accès à des documents historiques, d'archives, on a pu invalider cette théorie que Roosevelt avait manigancé, l'imprévoyance américaine. Mais il y avait effectivement une imprévoyance. Les Américains ne sont pas préparés. On sait qu'une attaque va survenir. Elle est imminente. Toutefois, on pense que l'attaque va survenir sans doute aux Philippines ou dans les îles de Midway. Hawaï est quand même à 6500 kilomètres du Japon. On ne croyait pas les Japonais capables de mener une pareille attaque. Bien que le service de renseignement, les services militaires américains avaient, dès les années 1930, prévenu l'état-major qu'une attaque serait possible à Pearl Harbor. Mais pas celle-là. Non, pas celle-là. Cette flotte japonaise, on ne la voit vraiment pas venir. Comment réagissent maintenant les alliés à cette attaque de Pearl Harbor? On écoute le premier ministre anglais Winston Churchill le 8 décembre 1941. When we think of the insane ambition and insatiable appetite... Le caractère totalement insensé de cette attaque, triste prolongement de la guerre, ne peut que nous conduire à conclure que la folie d'Hitler a gagné l'esprit des Japonais et qu'il faut s'attaquer à détruire les racines de ce mal dans toutes ses ramifications. Il est content, Churchill, que les Américains aient été attaqués parce que ça veut dire, et ça change la dynamique de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains débarquent. On les décharge d'un poids immense, celui de défendre seul l'Occident contre l'agression nazie. Alors, tout d'un coup, là, les Américains, c'est un peuple puissant, c'est une nation qui est la plus prospère au monde à l'époque. Et Churchill savait très bien qu'avec l'entrée en guerre des États-Unis, la guerre serait complètement transformée. Ouais. Autre élément intéressant dont on parle moins souvent, c'est le rapport qu'aura cette attaque de Pearl Harbor sur les relations qu'auront les Américains avec les Japonais. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, entre autres les Japonais qui vivent aux États-Unis, ce sera très, très dur. Absolument. Et puis, on peut faire la comparaison avec le traitement qui est réservé aux Italiens et aux Allemands aux États-Unis. Dès Pearl Harbor, avec l'ordre présidentiel, le décret présidentiel 90-66, les Japonais sont internés dans ce qu'on appelle des camps de concentration. Les Allemands et les Italiens également vont être internés, mais seulement les hommes. Pour les Japonais, ce sont les familles en entière qui sont internées. Les Japonais perdent leur propriété, perdent leur droit de vote et deviennent des citoyens de seconde zone. Ils vont le payer très, très chèrement. Cette agression contre l'Amérique, on va leur faire payer très, très chèrement. Il y aura aussi toutes sortes de conséquences sur le plan de la sécurité. Des grandes agences de sécurité d'enseignement vont naître dans la foulée à la suite de Pearl Harbor. Pearl Harbor va aussi toucher d'une certaine façon le Canada parce que les Japonais attaquent Pearl Harbor, mais d'autres cibles en Asie à peu près en même temps. Le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, le 8 décembre, Hong Kong est attaqué où 2000 soldats canadiens sont présents pour protéger la colonie britannique. On écoute un extrait de reportage de Claude Desbiens à ce sujet diffusé au téléjournal du 7 décembre 1991. C'était vraiment une bataille très sanglante, qu'ils appellent, puis violente. Puis on a perdu... La majorité des jeunes, c'était des jeunes hommes de 17, 18 à 20 ans, 21 ans, comme ça. Puis on a perdu dans la bataille 290 soldats. Puis après ça, quand on a fait dans le camp de prisonniers de guerre, on a perdu un autre 268. Les anciens de Hong Kong, comme Bernard Castonguay, n'ont pas de rancune contre les Japonais, en dépit du cauchemar qu'ils ont connu pendant 4 ans comme prisonniers dans des camps d'internement. Puis j'ai vu beaucoup de mes camarades mourir parce qu'ils se décourageaient. Dès qu'ils se décourageaient, mais 3 jours après, ils étaient morts. Avec le moral, il ne fallait pas que ça tombe. T'sais, là. L'attaque de Pearl Harbor aura donc un impact sur le Canada aussi. Oui, effectivement, au Canada également, on va procéder à des mesures sécuritaires. On va interner des milliers de Japonais sur la côte ouest américaine par mesure de sécurité. En fait, on suit les Américains dans leurs mesures sécuritaires. Et également, les Canadiens vont se mobiliser derrière leur gouvernement et derrière les Américains dans la participation dans la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, Pierre Lheureux, qu'est-ce qui reste de cet épisode de Pearl Harbor dans l'imaginaire américain? C'est un récit très fort. C'est le récit d'une Amérique provoquée, réveillée, qui répond par la force de ses industries, de son peuple, de son armée, et qui va trouver vengeance. Et qui va gagner cette guerre-là. C'est un récit qui va être, encore une fois, utilisé à la suite du 11 septembre. On a cet écho-là, on l'entend à la suite des attentats terroristes. L'Amérique est la puissante. La même chose, il y a cet appel à Pearl Harbor, il y a cette référence puissante, émotive, ouais, qui va galvaniser la nation, qui va la mobiliser derrière son président et son congrès. Au Japon, quel regard on porte sur Pearl Harbor? Je pense que les Japonais ont gardé peu de souvenirs de Pearl Harbor. C'est pas un événement qui a marqué l'imaginaire japonais parce que la Deuxième Guerre mondiale a été surtout marquée par l'événement de 1945 avec Hiroshima et Nagasaki, la bombe atomique, qui est venue occulter les événements qui ont précédé cette catastrophe qui a touché le Japon en 1945. Pierre Lheureux, professeur d'histoire au Collège Dawson à Montréal, merci beaucoup de votre participation à l'émission. C'est un plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Mohamed Algouri, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Fontaine. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire au singulier @radio-canada.ca. C'est Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.